il veut une fille qui veut pas son argent, qui veut pas son char, qui veut pas son vie. Ils m'ont demandé de faire des cassettes pour l'âge d'or. Je l'ai fait une un soir. D'abord, j'ai mis une toute de musique au début. Et ensuite, j'ai jasé. Ensuite, j'ai mis une toute en fin. Et moi, quand je fais des cassettes, j'ai réécouté jamais. En fait, non. Si j'ai le malheur de réécouter, là, je trouve tout ça du défaut. Là, ça là, j'ai eu le malheur d'aller écouter, je les ai magnifiés, parce qu'ils n'étaient pas à point. C'est probablement qu'ils vont m'en faire peur pour les vieux, les gens 70, 75 ans, tu vas faire peur. Si je le fais, ça va être très intéressant. Je ne parlerai pas du tout, je parlerai de l'autre. Je vais parler de l'exemple psychologique ancienne, mais c'est donné un petit peu de... Mais... Ces gens-là sont prisonniers de ça, puis il y a une grande, un grand pourcentage de la population qui ont besoin de comprendre certaines choses. Ça implique tellement de, ça implique tellement de, d'énergie. Je ne sais même pas si je vais le faire. Il ne veut pas me le dire, certainement. Peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il va le faire. Il dit tout le temps, attends, tu verras. Parce que si je rentre là-dedans, il faut que je fasse ce que je fais là. Hein. Oui. Ça va se reformer après, il va y avoir un changement après l'an 2000, il va y avoir un changement. Alors, tout ça se passe. Mais on est dans une période de grande transformation, les gens ça. C'est plein de gens ça. Il n'y a pas de raison qu'une personne soit seule dans la vie, qu'elle ait les yeux gras ou les gras. Il n'y a pas de raison, parce que j'ai d'autres quelqu'un qui a des gras aussi. Mais les gens ne sont pas guidés par vibration, parce qu'ils ne trouvent pas l'autre gras. Quoi? Ici, ça, c'est sur le plan des probabilités, des succès individuels. Il y a toujours un torchon qui vous a gagné. Ah oui, ça peut vous aider. Comme elle, vous voulez, elle parle d'elle. C'est pas un cadeau, ça va. C'est un cadeau aujourd'hui. Quand je t'ai rencontré, t'as fait un cadeau, grande sensibilité. Tu voulais porter ça, cette affaire-là, cette énergie-là. Et elle, elle ne sortait pas avec l'eau d'eau quand elle sortait, c'était des médecins, c'était des avocats, des juges. Il y avait du tout. Oui, c'était pas accrochable, cette affaire-là. Mais quand elle a commencé à, quand elle a commencé à s'aligner à ses corps, moi, je savais, j'ai rencontré quelqu'un, je le voyais à connexion, en lisière. Je ne pouvais pas aider dessus, j'avais dit, t'es malade. Lui, il se tournait, puis elle se tournait, puis l'autre, on s'est rencontré. Ça fait ça. Aujourd'hui, c'est un couple totalement vieux. Mais dans la nouvelle psychologie, pas dans l'ancienne. L'autre fait partie de 1920, puis elle est en 1975. Mais dans l'esprit, ils sont tous en même temps. Elle est mariée extraordinaire. Puis lui, une femme extraordinaire. Mais dans la nouvelle psychologie, dans la conscience. Mais dans l'ancienne psychologie, ça ne serait jamais rencontré. Comment il a arrêté voisin à côté? Hein? Pas la chicane de la compagnie, il ne même pas parlé. Il est au bout de son avis. Fantastique. Fantastique. Mais quand ils ont eu de vibration, qu'ils ont senti de vibration, là, ce qu'ils ont rencontré, c'est par la vibration qu'ils ont été amenés ensemble, pas par le psychologie. Parce que la perception est trop différente.